C'est très émouvant, le nouveau professeur est introduit par cette petite porte. Et à ce moment-là, cette immense table autour de laquelle il y a tous les grands savants, tout le monde se lève. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. Pour vous voir entrer par là avec alors François Ier qui préside à tout cela, il y a vraiment un moment très émouvant. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. A-t-on toujours eu besoin du droit? Qu'est-ce qui change quand on décide de se passer du droit? Peut-on arriver en ce siècle de mutations majeures et de crises diverses à des sociétés post-juridiques? Le droit pourrait-il se dissoudre aujourd'hui dans un océan de normativité indistincte, déterritorialisé et managérial, s'interroge François Host. Ce grand juriste et philosophe du droit est invité cette année d'Alain Supiot, titulaire de la chaire État social et mondialisation, analyse juridique des solidarités, pour son stimulant livre « À quoi sert le droit ? Usage, fonction, finalité » édité chez Brûlant en 2016. Sa riche bibliographie montre la diversité de ses questionnements. Il a ainsi publié chez Odile Jacob « Le temps du droit, puis raconter la loi » aux sources de l'imaginaire juridique, mais aussi « Sade et la loi ». Il a d'ailleurs beaucoup travaillé sur les rapports entre littérature et droit. Et aux éditions de La Découverte, il est l'auteur de « Nature hors la loi, l'écologie à l'épreuve du droit ». Revendiquant une approche interdisciplinaire, il présente le droit, mais aussi les droits, et il s'en expliquera au cours de sa conférence, comme une mise en question organisée. Dès cette contribution de François Host, nous ouvrons un cycle qui interroge la place du droit face aux grandes mutations qui bouleversent nos sociétés, à commencer par la rupture avec le gouvernement des lois, que permet la révolution technique et culturelle liée à l'informatique, et l'affirmation d'une gouvernance par les nombres, pour reprendre l'expression d'Alain Supiot et le titre de son livre publié chez Fayard. Dès lundi, nous le retrouverons d'ailleurs sur ces stimulantes questions. Mais pour l'heure, nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 19 janvier 2018, où le grand juriste français reçoit François Host, professeur de philosophie et de sociologie du droit à Bruxelles et à Genève, membre de l'Académie royale de Belgique, président de l'Académie européenne de théorie du droit, pour sa conférence intitulée « À quoi sert le droit à compter jusqu'à 3 ?» Je suis très heureux d'accueillir parmi nous le professeur François Host, qui a bien voulu accepter l'invitation de l'Assemblée des professeurs à venir nous poser la question et nous donner la réponse « À quoi sert le droit ?» Tout à l'heure, en essayant de décrire dans une conversation privée le sentiment que j'avais vis-à-vis de cette œuvre, je pensais à un petit texte de Pasolini sur les Lucioles, où Pasolini s'inquiète de la disparition des Lucioles. Il entendait par là des foyers de pensée libre. Et il disait, les Lucioles s'éteignent. À bien des égards, le labeur, le travail de François Host, dans le monde des juristes, représente un de ces foyers où se déploie une pensée à la fois libre, originale, et qui saisit le droit comme fait de culture, en convoquant à cette fin, sans effrayer, d'autres disciplines, et en premier rang desquelles la philosophie et la littérature. Je me réjouis qu'il puisse être des nôtres aujourd'hui. Je lui souhaite la bienvenue. Merci beaucoup pour cette invitation. Donc, une heure de réflexion commune autour de cette question qui, pour moi, n'était pas du tout une question rhétorique, une vraie question. À quoi sert le droit ? Quand je vois un doctorant, la première chose que je lui demande, c'est pas quel est votre thème, quel est votre sujet, non, quel est votre question, qu'est-ce qui vous met au travail ? Je peux vous garantir qu'après une carrière quasi complète de juriste et d'enseignant du droit, j'étais confronté à cette question. à un moment où on décline la crise du droit, la crise de la démocratie, la crise de l'État, de toutes les façons. Et la question se posait, se pose. Et je dirigeais moi-même à ce moment-là une recherche interuniversitaire en Belgique sur le thème de la concurrence des normativités. J'étais poussé par des équipes plus jeunes que moi qui plaidaient en faveur d'une sorte de réalisme, montrer que la norme juridique était effectivement très largement concurrencée par toutes sortes d'autres normes, des normes techniques, des normes managériales, des normes chiffrées. Alain Supio nous a donné un beau livre sur ce sujet. Les normes ISO, standardisation des procédures et des produits, même des institutions, des normes inscrites comme des dispositifs techniques dans les choses mêmes, comme ces nudges dont on parle aujourd'hui, sans parler encore de tout l'univers un peu nébuleux des big data. Tout ça sur fond de mondialisation, sur fond de déclin apparent ou réel de l'État, en tout cas de forte mise en question du droit. Si le droit ne disparaît pas, peut-être est-il à ce point instrumentalisé, peut-être est-il à ce point adultéré qu'on se demande si on parle bien encore du droit. D'où, je dis tout ça pour vous persuader effectivement que la question que je me posais était tout sauf rhétorique. Avait-on toujours eu besoin du droit? Y avait-il, est-ce que la société est naturellement juridique? On connaît l'adage « ubi societa, ibi ius ». Personnellement, je crois que c'est une erreur. Je dirais « ubi societas, ibi regula ». Là où il y a société, il y a règle, mais cette règle n'est pas nécessairement juridique. Et une des thèses que je défends dans le livre, c'est que le droit vient dans un second temps. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais donc, il y a sans doute eu des sociétés, et aujourd'hui encore, ce n'est pas qu'au passé, il y a des sociétés sans droit, bien sûr. Du coup, la question peut se poser aussi, peut-être pourrait-on arriver à des sociétés post-juridiques, où, dans le cadre de la concurrence des normativités, le droit serait, je répète, à ce point instrumentalisé qu'il ne serait plus vraiment identifiable comme tel. Donc, et si ius non esset, hein, et quid si le droit n'était pas? Ça nous rappelle en 1625 Grotius qui posait la question et si deus non esset, si Dieu n'était pas, est-ce que le droit serait le même? Dit, bien sûr, on ne peut pas poser cette question, c'est une question sacrilège, mais il dit tout de même qu'en effet, même si Dieu n'existait pas, les principes du droit rationnel seraient. Donc, question sérieuse, qui me faisait aussi penser au grand sociologue Alain Touraine, qui, il y a quelques années, s'exprimait devant une docte société de collègues sociologues, et il commençait en disant « Désolé, chers collègues, c'est désolant pour nous sociologues, mais il n'y a plus de société. » Donc, je prenais la question tout à fait au sérieux, et en commençant à y travailler il y a 3-4 ans, une des premières choses qui m'a frappé, sauf erreur, c'est du petit nombre d'ouvrages, de travaux explicitement consacrés à cette question. Bien sûr, on peut dire qu'indirectement, tout le monde y répond, c'est évident. Mais vraiment, d'ouvrages, de fonds consacrés à une question aussi brutale, aussi faussement naïve, aussi déstabilisante, à quoi sert le droit? Peut-être ne sert-il à rien ou ne sert-il plus à rien? Eh bien, il y a peu de choses. Voilà. Alors, je me suis... il y a eu, ça ne vous aura pas échappé, une coïncidence d'édition, puisque mon collègue et ami Jacques Comaille, sociologue du droit bien connu, rédacteur en chef de la revue Droit et Société, a publié quelques semaines avant moi, chez Gallimard, un bel ouvrage intitulé « À quoi nous sert le droit ?». Et là, une coïncidence d'édition qui nous vaut, à Jacques Comaille et moi, pas mal de confrontations sur nos deux ouvrages et la différence introduite par ce petit « nous ». Pourquoi une telle timidité face à cette question? Alors, je risque quelques éléments de réponse. D'abord parce que, dès qu'on y réfléchit 30 secondes, les réponses qui viennent spontanément à l'esprit à cette question, les réponses sont d'une consternante banalité. On dira, ben, le droit sert à régler les conflits, le droit sert à maintenir l'ordre, le droit sert à coordonner la société. Quand on a dit ça, on est un petit peu le bec dans l'eau. Donc, des réponses banales qui semblent étouffer même la question posée. D'autre part, lorsqu'on y réfléchit plus que 5 secondes, on est sans doute confronté au danger de pièges intellectuels, de pièges épistémologiques considérables. J'en vois deux immédiatement. D'abord, c'est le danger d'essentialisme. Après tout, à quoi sert le droit ? Ça implique nécessairement qu'on se risque dans une définition juridique, qu'on ait une idée assez précise de ce qu'est le droit. Et donc le danger anti-moderne par excellence, le danger ce serait de restaurer une conception totalement intemporelle et universelle du droit, faisant fi de toutes les nécessaires variations socio-historiques de cette production culturelle parmi d'autres qu'est le droit. Alors je suis bien conscient de ce danger, mais je l'assume parce qu'il est inévitable dans cette problématique, et je voudrais profiter de cette mise en garde pour dire tout de suite que si je m'exprime au singulier, un singulier qui apparaît dans le titre, à quoi sert le droit, en réalité je ne cesse d'avoir à l'esprit le pluralisme juridique. Je ne conçois pas un instant qu'en 2018 on puisse parler du droit sans assumer totalement la thèse de la cohabitation, conflictuelle ou non, de la cohabitation d'ordre juridique multiple. Donc faites-moi le crédit, chaque fois que je parle du droit ou de la justice, de penser qu'en réalité je mets ces formations au pluriel. Simplement, on ne peut pas parler de tout en même temps. Et ici, j'essaye de faire une théorie générale du droit. Et donc, par commodité pédagogique, je m'exprime au singulier, mais bien entendu, il faudrait compléter ce livre par un deuxième volume qui déclinerait pour chaque époque, il faudrait plus qu'un deuxième volume, les fonctions que le droit revêt dans telle ou telle société. Donc ça, c'est le danger d'essentialisme. Alors, l'autre danger que l'on rencontre quand on aborde cette problématique, c'est une approche qui serait platement fonctionnaliste, avec toutes les objections que le fonctionnalisme sociologique a pu susciter, en dépit de son intérêt. Donc le danger de verser dans une approche platement instrumentale, platement managériale, où on chercherait des fonctions techniques, qui existent d'ailleurs, je vais en parler, du droit, mais comme si... Enfin, en partant d'une hypothèse en quelque sorte consensualiste et organiciste, une société bien organisée où droit, économie, culture, science, chacun sont des productions qui concourent de façon harmonieuse à un objectif général. Alors, j'essaye d'éviter cette objection fonctionnaliste en développant immédiatement une dualité de fonctions. M'inspirant notamment de Bourdieu qui distinguait fonction instrumentale et fonction symbolique. Et en droit, les fonctions symboliques, donc qui tiennent au sens, à la capacité du droit à produire des valeurs, à indiquer des repères, sans chercher nécessairement une effectivité immédiate, en droit, ce volet fonctionnalité symbolique, instituante, est beaucoup plus importante que les fonctions platement behavioristes, comportementales, donc les fonctions simplement instrumentales. Une troisième raison qui pourrait expliquer cette timidité de la recherche face à la question qui nous rassemble cet après-midi, une troisième raison, peut-être une certaine forme de lucidité, voire de cynisme sociologique ou réaliste, qu'exprimait très bien en une formule choc notre collègue Daniel Lochac, qui préfaçait un ouvrage il y a quelques années, un ouvrage qui avait pour titre « Les usages sociaux du droit ». Daniel Lochac dit « À quoi sert le droit ?» Réponse « À tout et à n'importe quoi » et surtout à remplir des fonctions qui sont diamétralement opposées à ces fonctions avouées. Une sorte de réalisme de l'analyse sociale qui peut, en quelque sorte, également décourager l'analyse. Alors, surmontant ces différentes préventions, je me mets au travail et là, je me heurte à une difficulté nouvelle, une difficulté technique. Cette fois, c'est le trop de concepts, l'abondance des concepts susceptibles de diriger cette recherche. Concepts de rôle, de projet, de finalité, de mission, d'effet, d'usage, d'objectif. Comment mettre de l'ordre dans cette florescence de concepts et de notions? Surtout que chacune d'entre elles pouvait encore se démultiplier. Par exemple, à propos des fonctions, j'ai déjà introduit la distinction que rappelait Bourdieu entre les fonctions instrumentales et symboliques. Merton, un autre sociologue, attire notre attention sur la différence entre les fonctions manifestes et les fonctions latentes. D'autres encore ont attiré notre attention sur les dysfonctions, les fonctions négatives ou encore les effets pervers. Donc, oui, le maquis conceptuel dans lequel il s'agissait de tracer sa voie. Après quelques mois d'errance, et l'errance est utile à la recherche, d'où l'utilité du temps pour la recherche et d'où l'utilité de ce conseil que Alain Supiot donnait il y a quelques années, il me le rappelait encore tout à l'heure, ne pas publier trop et trop vite. Donc, il faut se laisser le temps d'errance. Et je dis souvent à mes doctorants aussi que même si elle est angoissante, la période d'errance est probablement la plus féconde et le vrai terreau, le véritable enjeu sur lequel se construit la thèse. Bref, après quelques mois d'errance, je me résous à déjà le chiffre 3. Je pense que s'il y a un chiffre qui peut être associé au droit, c'est le chiffre 3. Je me résous à orienter ma réflexion à partir d'un triptyque qui figure dans le sous-titre de l'ouvrage et auquel je tiens beaucoup. Usage, fonction, finalité. Vous aurez immédiatement compris que les usages vont m'amener à réfléchir à cette problématique sous l'angle des sciences sociales. C'est ce qu'on fait du droit sur le terrain, indépendamment de ce qu'il dit. Voyons ce qu'il fait, voyons quelles sont les logiques d'acteurs, quels sont les rapports de force et d'intérêt qui orientent sa pratique. Je répète, des usages qui peuvent être très éloignés des finalités officielles. Approche relevant des sciences sociales. Les fonctions, ce sont les fonctionnalités du droit qui, là, supposent une approche plus technique. Et cette fois, c'est sous l'angle de la théorie générale du droit, qui est au fond ma discipline de départ, que j'aborde la problématique. Et puis finalement, troisième angle d'attaque, les finalités qui nous renvoient à une problématique plus philosophique, plus fondamentale, plus éthique également, au service de quelle finalité, de quelle valeur le droit est-il, et quand je dis le droit, c'est l'occasion de le rappeler, les droits dans différents contextes sont-ils appelés à fonctionner ? Avant d'aller plus loin, pour bien poser cette question, un parallèle simple, si je vous demande à quoi sert une voiture, eh bien, je peux répondre. Du point de vue de ses usages, une voiture sert à beaucoup de choses, au transport des personnes, mais elle peut aussi, dans certains cas, être une œuvre d'art, si elle est customisée ou que sais-je, compressée par un sculpteur comme César. Elle peut servir, hélas, d'arme, on l'a vu dans des circonstances tragiques, donc, il peut servir à tout et n'importe quoi, les usages. Les fonctions, j'ouvre le capot de la voiture et je vois qu'une voiture, grâce à son moteur, est susceptible d'être automobile, un véhicule qui avance par lui-même. Et du point de vue des finalités, j'ouvre de nouveau un large spectre, commerce, transport des personnes, activité altruiste, que sais-je encore. À propos des finalités, je dois introduire une distinction supplémentaire qui m'a aussi donné assez bien de fil à retordre. C'est la distinction entre des finalités extrinsèques qui débordent le droit et des finalités intrinsèques qui lui sont propres. Vous allez voir, ça engage une option de philosophie du droit fondamentale, cette distinction. Je dis la justice ou la démocratie ou encore la constitution de l'humain dont Pierre Legendre et Alain Supiot nous ont beaucoup et très bien parlé Pour moi, ce sont des finalités nobles, des finalités extrinsèques qui débordent le droit. Le droit peut y contribuer, bien sûr, et de façon décisive, mais qui ne lui sont pas propres, en quelque sorte. Et du reste, les finalités extrinsèques peuvent aussi être moins sympathiques. Le droit peut être mis au service du maintien de l'ordre pur et dur, ou pire encore, au service de la défense de la pureté de la race, par exemple. Au niveau des finalités, on peut trouver le pire et le meilleur. Et je soutiens qu'on ne peut pas identifier nécessairement le droit, par exemple, avec la justice et la démocratie. Je soutiens qu'il y a eu du droit, hélas, sous le général Pinochet ou à l'époque nazie dans les années 30, il y a eu du droit, c'est simplement un droit dénaturé dont les fonctionnalités sont mises au service de finalités qui ne nous plaisent pas, qui sont critiquables. Mais il faut lire par exemple le très beau livre que je recommande à tout le monde, le livre d'Olivier Jean-Jean, notre collègue qui enseigne à Paris 1, « Justifier l'injustifiable sur le droit nazi ». Il montre très bien qu'il y avait dans toutes ces années, des facultés de droit, des tribunaux, des législateurs, que la machinerie technique du droit fonctionnait, simplement elle fonctionnait au service de finalités extrinsèques, injustifiables. Et donc j'introduis cette distinction, ce qui m'intéresse, moi, quand je parle des finalités, ce sont les finalités intrinsèques du droit, c'est-à-dire quelles sont les finalités que le droit se propose lorsqu'il se met et s'il se met au service, en ce qui nous concerne, du droit et de la justice. Et si vous voulez un contre-exemple, vous lisez le livre d'Olivier Jean-Jean, là vous verrez quelles sont les finalités intrinsèques d'un droit qui se met au service de la défense de la pureté de la race ou de la défense du territoire vital, par exemple. Voilà, donc distinction que je voulais poser d'emblée, mais qui engage la thèse qu'on peut discuter, certains n'aiment pas cette thèse, mais qu'il faille même distinguer le droit technique au service desquels il est mobilisé. Avant de détailler plus avant les trois axes de ma réflexion et de tenter de les croiser, avant de les détailler, je voudrais encore dire que pour faire cet exercice et pendant les trois ans qu'a duré la rédaction du livre, je me suis posé, mais vraiment tous les jours, une question finalement très simple, une question presque de naïveté phénoménologique. C'est qu'est-ce qui change quand on décide de passer au droit ? Quelle est la différence entre un groupe qui règle ses affaires sous l'égide du droit et un groupe qui règle les mêmes affaires sous l'égide de rapports politiques, de rapports économiques, de rapports politiques. Quelle est la spécificité du traitement juridique, du lien social, du conflit, etc. Quelle est la plus-value ? À quoi sert le droit ? Mais je pose la question de façon vraiment naïve. Ça peut peut-être vous aider à me suivre, de vous poser vous aussi tout simplement la question, qu'est-ce qui change, par exemple, lorsque deux personnes qui vivent ensemble décident de sortir d'un statut de fait ou de quasi-fait pour passer devant le maire. Qu'est-ce qui change lorsqu'une relation commerciale de confiance, hein, le top là des maquignons sur la place du marché, se transforme en un contrat écrit? Qu'est-ce qui change lorsque, en cas de différend, on ne se fait plus justice à soi-même, on s'en remet au tiers institué? Vous devinez que le sens général de ma réponse, c'est une très longue réponse. Tout le livre tente de la suggérer, mais la différence, c'est que désormais, le lien social primaire, lien affectif, économique, politique, le lien social primaire s'inscrit désormais sur une autre scène, une scène un peu abstraite et virtuelle, qui est la scène juridique, et qui est l'accès au tiers. C'est le « il » qui s'interpose dans le rapport, le face-à-face du « je » et du « tu ». Un face-à-face du « je » et du « tu » qui peut être beaucoup plus gratifiant. C'est un rapport qui peut être un rapport d'amitié, voire d'amour, de confiance, mais qui peut aussi être terrifiant, un rapport de violence non médié par le tiers. Et donc, l'idée générale de ce qui change lorsqu'on passe au droit, c'est toutes les conséquences de cette inscription de la même relation de base sur une scène virtuelle et abstraite, presque invisible, qui est la scène du droit, de l'écrit, des archives, des précédents, des textes qui font loi commune, et qui désormais introduit du tiers, mais donc aussi du contrôle, de la garantie, de l'égalisation des conditions, voire même de l'universalisation des conditions, qui introduit du tiers dans la relation. Je ferme la parenthèse et j'en viens maintenant à l'exposé des trois pistes qui sont donc trois éclairages, j'essaye de penser en trois dimensions, trois éclairages croisés au fond du même objet et de la même question, à quoi sert le droit ? Alors, évidemment, lorsqu'on lit des pages tirées de la première partie consacrée aux usages ou de la dernière partie consacrée aux finalités, on peut avoir l'impression d'un exposé un peu unilatéral, trop platement réaliste en ce qui concerne les usages, décidément beaucoup trop idéaliste et rêveur dans la troisième partie. Et donc, idéalement, j'avais pensé à ça, même graphiquement, il aurait fallu à tout moment croiser les trois dimensions. J'avais pensé même de façon typographique, user de caractères différents, avec de l'italique ou des couleurs différentes, pour montrer au lecteur, écoutez, ici, je suis en train de raisonner comme un sociologue, mais à aucun moment je n'oublie les virtualités normatives du droit, même si je suis en train de nous déniaiser en nous montrant que ces belles finalités normatives peuvent être contournées. Et puis à d'autres moments, lorsque je prends au sérieux ces finalités normatives dans la troisième partie, à tout moment, j'ai envie de dire, écoutez, je ne suis pas naïf, je sais bien que ces belles analyses peuvent à tout moment être contournées et glisser une mise en garde sociologique. Mais on ne peut pas écrire comme ça, on ne peut pas tout faire en même temps. Et donc là encore, je vous demande de me faire crédit et de penser aussi en trois dimensions. Donc, d'abord, en ce qui concerne les usages du droit, je distingue les différents acteurs du droit. C'est aussi déjà une forme de pluralisme juridique. Il y a les particuliers, il y a les entreprises, il y a les pouvoirs publics, notamment. Si l'on se penche sur la manière dont les particuliers se réapproprient la réglementation juridique, eh bien, on est frappé de la diversité. Bien sûr, on peut penser et souhaiter, j'imagine, que les particuliers se conforment au droit. Les sociologues du droit nous apprennent, et Jean Carbonnier le premier, combien cette conformisation au droit peut être volontairement ou non, imaginative et créative. C'est ce qu'il appelait le droit vulgaire. Et on reste émerveillé devant les différentes manières dont la même règle de droit peut être mise en œuvre ici et là, sociologiquement. Et donc, il y a en quelque sorte des réécritures spontanées et populaires, citoyennes, que sais-je, de la règle de droit, dans la mesure de sa réappropriation par les différents groupes sociaux. On peut également, comme particulier ou association, se servir du droit en vue de le transformer. On est moins spontanément porté à penser cela, mais je trouve que c'est absolument capital. Penser le droit non seulement comme ordre établi, mais également comme ordre meilleur à établir. Combat pour le droit. Ce combat pour le droit dont Hering, déjà au XIXe siècle, nous disait qu'il était essentiel. Et il disait que se battre pour la défense de ses droits, c'était aussi se battre pour le droit de tous. Aujourd'hui, comme hier, on connaît de ces usages créatifs du droit par des particuliers, par des plaideurs imaginatifs, par des associations. C'est ce qu'il y a de plus sympathique dans l'analyse politique contemporaine. Ce sont ces combats des groupes, des associations, des collectifs qui tirent sur la corde en quelque sorte et sollicitent les potentialités critiques du droit pour jouer, je dirais, le droit contre lui-même. Un exemple, parce que je fais un peu de droit de l'environnement, les Klimaatzaak en Hollande et en Belgique, puis ailleurs aussi, donc ces affaires de justice climatique, où une association de défense de l'environnement hollandais saisit un petit juge, comme on dit, hollandais, sur la base de la plus simple des dispositions de droit civil, notre article 1382 sur la responsabilité civile, et attaque le gouvernement néerlandais pour incurie environnementale. L'argument, c'est Dans les forums internationaux, vous prenez de beaux engagements internationaux pour réduire l'effet de serre, mais en interne, vous négligez de prendre les mesures susceptibles de concrétiser ces engagements. Votre responsabilité est engagée sur pied de l'équivalent de l'article 1382. Et contre toute attente, voilà que le petit juge de Rotterdam condamne le gouvernement néerlandais. On verra bien, le droit est ce qu'il est, il y a des appels, et on verra. Mais on voit bien que le dynamisme de ces « cause lawyers », comme disent les Américains, de ces avocats qui montent des causes significatives répondant à des combats citoyens, notamment dans ces matières. Si on pousse encore à la limite, eh bien, on aura des usages paradoxaux du droit avec la désobéissance civile. Je fais référence à des figures mythiques comme celle de Gandhi ou de Martin Luther King qui vont jouer la loi avec un grand L, ou comme aurait dit Victor Hugo, le droit avec un grand D, contre la petite loi scélérate, la loi ordinaire qui ne fait pas justice à telle ou telle valeur fondamentale. Et qui commettent des infractions, qui sont envoyées en prison, mais qui émeuvent l'opinion publique, qui font scandale, et qui, en fin de parcours, réussissent à transformer le droit. Vous voyez l'importance du conflit intrajuridique, le combat pour le droit par des citoyens qui mobilisent les valeurs juridiques fondamentales pour obtenir la transformation de la loi ou du droit positif. Le Collège de France et France Culture vous présente François Host, reçu par l'Insupio pour sa conférence « À quoi sert le droit à compter jusqu'à 3 ?» Mais à côté de ce tableau sympathique, il y a aussi toutes les variétés d'usages moins recommandables du droit par ces juristes que je qualifierais de juristes rastignac. Il faut lire Balzac. Balzac est formidable à cet égard-là. Balzac écrit au lendemain du Code civil et qui nous décrit au fond l'envers du Code civil, toutes les turpitudes qu'il est possible de développer à l'ombre et à l'aide de ces dispositions. La comédie humaine, c'est pour moi le code incivil, c'est l'envers du code civil, montrant comme il est possible de détourner les dispositions, d'abuser de ces dispositions. Après tout, l'abus de droit, l'abus, ben, c'est une forme d'usage de droit. Et puis, il y a la pratique de la corruption qui mérite à elle seule de faire l'objet d'études approfondies, pas seulement en droit pénal, mais aussi en théorie du droit. Mais c'est vraiment une façon d'user de façon très paradoxale du droit en obtenant pour soi-même, avec le concours d'une autorité publique corrompue, d'obtenir pour soi-même un passe-droit, un privilège, donc une loi privée pour soi, tout en maintenant la loi pour les autres. Voilà. Alors, la corruption, c'est vraiment, vous savez combien elle peut prendre parfois une forme généralisée, pas seulement dans des républiques dites bananières. La corruption, c'est vraiment une façon un usage qui dénature le droit, en quelque sorte, en le privatisant dans le plus mauvais sens possible. Et on entraîne en quelque sorte dans cette corruption, on entraîne l'autorité publique. Et finalement, le passage à la limite, c'est l'immense fraude à la loi que peuvent représenter les manigances de partis liberticides. Il faut lire l'histoire constitutionnelle allemande des années 30, par exemple, où on voit que c'est à peu près légalement, en se moulant dans les habits de la démocratie, en jouant le jeu des élections, que le parti nazi arrive au pouvoir, avec évidemment la volonté d'immédiatement abolir les mécanismes et les droits qui leur ont permis d'accéder à ces positions. Là, donc, on a affaire à une espèce de gigantesque fraude à la loi. Bon, ça, c'est du côté des particuliers. Du côté des entreprises, ben, on trouve un petit peu le même genre de choses. Je voudrais insister sur deux points à propos des entreprises. Vu souvent leur puissance économique et financière, leur capacité importante de lobbying, donc de peser, c'est un usage du droit, un peu comme mes cause lawyers de tout à l'heure, mais avec des moyens plus considérables de pression pour obtenir un changement de législation dans un sens favorable. Plus caractéristique encore, le forum shopping et le low shopping que peuvent pratiquer certaines grandes entreprises, vous savez de quoi il s'agit, des entreprises implantées dans le monde entier, peuvent jusqu'à un certain point choisir, faire le shopping, choisir le forum, donc le tribunal, et plus important encore, le droit applicable à leur siège social, applicable à leurs transactions. Là, je pense vraiment que c'est gravissime, qu'on n'a plus vraiment affaire à un modèle de type juridique à partir du moment où le sujet de droit peut choisir l'ordre juridique qui optimalise ses intérêts. Je pense que on est assez loin de la logique du tiers. À partir du moment où le « je » ou le « tu » peut choisir le « il » qui lui convient, on a vraiment franchi une ligne rouge. Et quand je parlais de dénaturation du droit dans le cadre de la concurrence des normativités, c'est à des exemples comme cela dont je parlais. Quelques mots sur les usages du droit par les pouvoirs publics. On suppose et on espère que les pouvoirs publics dans nos états de droit se conforment à la règle qu'ils ont eux-mêmes édictée, pater legem comme ipse fecisti, bien sûr. On peut supposer et espérer que les pouvoirs publics soient aussi des moteurs de changements juridiques, bien sûr, les assemblées parlementaires par exemple. Nous connaissons aussi une grande variété d'usages, d'effets d'annonce, dirais-je, d'usages un peu publicitaires du recours à la règle, comme il y a quelques années en France où, à l'occasion de n'importe quel incident dans les banlieues, le président annonçait une loi pour le lendemain, alors qu'en général cette loi existait, mais on ne se préoccupait pas beaucoup de son effectivité. Donc c'est l'état spectacle, je dirais, c'est un usage un peu publicitaire de la règle de droit. Les politologues nous renseignent sur les différentes manières dont les politiques se servent du droit, parfois honnêtement, mais parfois aussi simplement comme un outil dans une stratégie politique d'ensemble. Je laisse ce plan sociologique et j'en viens alors à deuxième éclairage, celui de la théorie générale du droit. Et je parle des fonctions du droit. Et là, je réaffirme mon point de départ, qu'on peut contester, hein, mais c'est celui que j'adopte dans le livre, du droit comme institution seconde. Droit comme institution seconde, qui vient toujours après la relation sociale primaire, qui vient après une première institution, qu'elle soit religieuse, qu'elle soit éthique, qu'elle soit économique, qu'elle soit politique. Les anthropologues et les ethnologues nous mettent le pied à l'étrier en parlant de double institutionnalisation. Vous savez que c'est le problème des anthropologues et des ethnologues, c'est de repérer le moment du passage au droit. Il y a des règles en amont, puis il y a du droit en aval, et donc le moment, c'est le passage au droit. Et des auteurs comme Bohannan et beaucoup d'autres nous montrent au fond que le critère, c'est le moment où un groupe se dédouble en quelque sorte, se dote d'institutions spécifiques et secondes, par exemple pour explicitement juger les litiges ou pour explicitement adopter des règles générales et abstraites, autres que coutumières. On n'édicte pas une coutume, on n'adopte pas un usage, il se fait spontanément. Mais il y a un moment où une instance se met en place dont c'est le job de d'édicter la règle. Donc, institution seconde. Vous savez que j'aime bien les métaphores et les métaphores concrètes. Et je parlerai ici, enfin, l'image que j'ai en tête, c'est l'image du pilotage, mais au sens précis et maritime du terme. Qu'est-ce que c'est que le pilote en Manche, par exemple? Ben, c'est au fond un fonctionnaire de l'État qui monte obligatoirement sur la passerelle des bateaux de commerce, qui se destine à relâcher à Dunkerque ou à Anvers chez moi ou à Rotterdam, dans des passes difficiles. Le pilote ne se substitue pas au capitaine, qui reste maître à bord après Dieu, mais il le conseille, il l'oriente dans les passes difficiles. Mais c'est la conception que j'ai du droit, qui, dans tous les sens du terme, qui seconde en quelque sorte la relation primaire. Le grand théoricien du droit, Herbert Hart, dans Concept of Law, son ouvrage majeur, le concept de droit, a parfaitement théorisé ça en distinguant deux types de normes, normes primaires, normes secondaires. En gros, les normes primaires, c'est les normes de comportement, En France, on roule à droite, en Angleterre, on roule à gauche. En gros, les normes secondaires, ce sont les méta-règles, c'est la boîte à outils du juriste, ce sont les méta-règles qui sont destinées à mettre en œuvre les règles primaires. Ce sont les règles de sanction, en gros, les règles de procédure qui permettent le règlement des litiges. Ce sont les règles de changement qui instituent explicitement des mécanismes d'abrogation des règles anciennes et d'adoption de règles nouvelles. Et ce sont des règles de reconnaissance qui identifient les sources de droit qui désormais font système. Alors je reprends à mon compte cette distinction tout en la complexifiant considérablement, mais enfin je crois qu'elle reste opérationnelle. Et du coup je peux la transposer à ma problématique des fonctions en distinguant des fonctions primaires et des fonctions secondaires. Les fonctions primaires, en gros, sont relatives à la manière dont le droit reprend à son compte les règles et les valeurs sous-jacentes dans le corps social, tandis que les fonctions secondaires, ce sont des fonctions réflexives du second degré, des métafonctions, qui supposent évidemment historiquement un progrès du droit qui s'est autonomisé et qui est capable, sans aller jusqu'aux extrêmes de l'autopoïèse dont parlaient Luhmann et Tübner, qui est capable d'auto-organiser le système juridique. Alors, les fonctions primaires, ben, je dirais que c'est un rôle général de pilotage dont je parlais tout à l'heure. Pilotage, tantôt, vous allez voir, il y a beaucoup de mots en âge, je me suis un peu amusé à cet égard. Pilotage par encodage, le droit encode des règles, mais qui va chercher, Carbonnier parlait d'internormativité, qui va puiser, pêcher dans le corps social, sans nécessairement les transformer beaucoup, au moins au début. Et puis aussi pilotage par ancrage, de temps en temps, le droit affirme des valeurs fondamentales qui sont comme des repères instituants pour la société, qui résultent de choix fondamentaux. Et puis les fonctions secondaires, ben, c'est des fonctions d'arbitrage, des fonctions d'archivage. Il ne faut pas mépriser cette fonction du droit qui sont des fonctions d'attestation. Il faut avoir été sans papier pour savoir l'importance des documents qui vous donnent une existence. Ça a l'air d'être une fonction un peu subalterne, un peu tatillonne du droit. Je pense qu'elle est fondamentale. Les registres d'état civil, les cadastres, toutes ces manières d'attester publiquement que quelque chose a été. Donc des fonctions d'arbitrage, d'archivage, de cadrage, les définitions, les qualifications, etc. Prenons un peu de hauteur, rassemblant tout ça, je dis techniquement, allez, à quoi sert le droit ? Le droit sert à tisser des liens et à fixer des limites. Donc il y a une fonction fondamentale de tissage qui se décline de toutes les façons possibles en droit. En droit de la famille, c'est le lignage. En droit des choses et des successions, c'est le partage. Dans le droit des contrats, le droit de la responsabilité, c'est le chaînage. Il y a un fait, il y a un dommage, mais le droit jette des liens entre l'auteur du dommage et la victime. Un auteur comme Bruno Latour, sociologue qui s'est intelligemment intéressé au droit, insiste beaucoup sur ce point, tisser des liens. Le rôle du droit, dit-il, c'est d'établir ou de rétablir le missing link, le lien manquant. Et lui aussi s'exprime avec des mots en âge, il parle de ravaudage, de rapiéçage, au sens médical de pontage. À un moment où ça ne va plus, où la relation sociale semble avoir explosé, mais le droit, modestement, tente de renouer le lien social. Le lien juridique est aussi un lien textuel. Nous, juristes, nous sommes de laborieux tisserands. Nous tissons les textes juridiques les uns après les autres. L'avocat qui construit des procédures fait le lien laborieusement entre première instance, deuxième instance, entre une affaire, une autre. Donc on tisse des liens. Tisser des liens, mais aussi fixer des limites, borner. Alors on pense tout de suite au droit pénal et aux interdits fondateurs, mais c'est plus large que ça. La qualification, l'opération de définition en droit. Définir, c'est mettre des finesses, c'est mettre des limites. Donc qualifier, c'est borner, c'est limiter. Donc, Le génie juridique est aussi un art de la qualification, un art des limites. Donc, vous voyez que toutes mes fonctions se résument à deux, tisser les liens, fixer des limites, et puis, encore au-dessus, je mettrai la fonction générale de mesurage. On pourrait longtemps parler du droit comme établissement de mesure. Ça ferait plaisir, je pense, à Michel Villet, le droit comme établissement de juste proportion entre les hommes et les choses, entre les hommes entre eux, entre les hommes et la nature aujourd'hui, la proportion socialement désirable. J'en reste là pour cette deuxième approche. Mais à ce stade-ci, je réaffirme ce que je disais tout à l'heure, nous ne sommes pas encore garantis, nous n'avons pas de garantie qu'il soit fait un bon usage du droit. Chacune des fonctionnalités que je viens de rappeler est susceptible d'être mise au service du meilleur comme du pire. Par exemple, la fonction de bornage peut déboucher si elle s'absolutise, si elle n'est pas compensée, elle peut déboucher sur un régime général d'interdit, un état policier. La fonction de mesurage, l'établissement des rapports, des proportions, peut être biaisée, forcée. Contrats peuvent être léonins, les partages injustes. Donc, nous n'échappons pas, heureusement, au troisième niveau de réflexion qui est de loin le plus fondamental. Donc, et je répète mon propos, quelles sont les finalités intrinsèques du droit si nous voulons le mettre au service de la justice, de la démocratie et de la constitution de l'humain. Et j'en viens directement au cœur de mon sujet pour ce qui est des finalités. Quelles sont finalement ces finalités intrinsèques? À mes yeux, j'ai beaucoup réfléchi, elles sont au nombre de trois et elles sont dialectiquement liées. Ça veut dire qu'on ne peut pas penser l'une sans l'autre. L'une viendrait-elle à s'absolutiser que nécessairement le projet serait dénaturé. Alors quelles sont ces trois finalités? Je les décline et puis je les développe. Je dirais, le droit a pour vocation de proposer les conditions techniques, dans son langage technique, les conditions d'un arbitrage social général entre intérêts et valeurs concurrentes. C'est l'image de la balance. Balance, glaive, bandeau. Cet équilibre entre intérêts et valeurs sociales concurrentes doit être susceptible de s'appliquer par la contrainte. J'y reviendrai, c'est l'image du glaive. Nous ne sommes pas dans un univers de bisounours, le monde n'est pas peint en rose, la violence nous entoure. Un droit qui ne serait pas capable de mobiliser la violence serait un droit purement académique. Donc cet élément doit être absolument pris en compte. Mais à certaines conditions, on le verra. Et un troisième élément qui m'est le plus sympathique, qui me paraît tellement typique du droit, et là encore je m'inspire de Jean Carbonnier, cet équilibre entre intérêts sociaux et valeurs concurrentes, qui doit toujours être susceptible d'être appliqué par la contrainte, doit également à tout moment être susceptible d'être remis en cause dans les formes procédurales. Pas n'importe quelle forme, pas des formes anarchiques ou violentes, dans les formes procédurales. Et c'est seulement lorsque cet équilibre entre ces trois finalités est respecté, me semble-t-il, qu'on a des chances de pouvoir au mieux poursuivre les finalités. Et dans les trois cas, ce qui est en jeu, c'est l'émergence du tiers. Ça demanderait évidemment beaucoup de temps pour le démontrer, mais dans les quelques minutes qui me restent, je vais essayer de m'acquitter de cette tâche. Et donc d'abord, la première de ces trois finalités, l'équilibre général, correspondant donc à l'image de la balance. La deuxième finalité, c'était le glaive, et j'ai sans doute oublié de dire que la troisième finalité, celle qui m'était la plus sympathique, la finalité de remise en cause, renvoie pour moi très directement au bandeau, qui suppose le regard intérieur, la capacité d'autocritique, la capacité réflexive. Donc la première, la balance, aujourd'hui le principe de proportionnalité, il me semble que c'est inscrit dans l'ADN du droit, de mettre ses capacités techniques au service de cet arbitrage général. Des auteurs très distincts confirment ce point de vue. Je pense par exemple au politologue Patrice Durand, qui souligne le rôle de coordination, de médiation générale du droit. Si vous préférez un philosophe, lisez Habermas, son grand livre intitulé « Droit et démocratie ». Les troisièmes auteurs dont je voulais vous parler, Boltanski et Thévenot, qui, dans des livres admirables, ont bien montré la coexistence de ces sources de normativité différentes, économiques, médiatiques, médicales, que sais-je encore. Mais dans leur livre sur la justification, Ricoeur avait bien pointé ça, ils nous laissent en plan, disant ben, il n'y a pas d'arbitrage, ils le disent comme ça, il n'y a pas vraiment d'arbitrage, il n'y a pas de métacité capable d'introduire quelque chose comme le bien commun ou l'intérêt général. Et alors, à mon grand plaisir, 10 ans plus tard, Boltanski, écrivant avec Schiapello dans Le Nouvel Esprit du Capitalisme, revient là-dessus et dit très clairement que c'est le rôle du droit, dans les meilleurs des cas, de réaliser cet arbitrage. Et j'ajoute encore ce point-ci avant de passer aux deux autres finalités. Cet arbitrage n'est pas simplement une sorte de compromis moyen. Il y a un saut qualitatif. Et là, je commence à traquer mon tiers. C'est là que le tiers apparaît. Ce n'est pas simplement la juxtaposition ou une espèce de plus petit commun dénominateur entre les intérêts de A et de B. Quand ça fonctionne bien, quand le droit remplit véritablement sa fonction, il doit être capable de susciter une propriété émergente, une plus-value. C'est là que je vois la plus-value. C'est la construction de quelque chose comme le bien commun ou l'intérêt général. Alors, ces vieux mots complètement usés, comme des vieux galets, qu'on ne remarquerait même plus tellement ils sont usés et qui seraient bientôt taxés de moralisme naïf, eh bien, il faut en redécouvrir la valeur, la difficulté et la valeur fondamentale. Pour qu'une cité fonctionne, il faut être capable de ce saut par-dessus ses propres épaules. Il y a là un jump, il y a là une auto-transcendance qui est ce que Rousseau expliquait quand il disait que la volonté générale, c'était autre chose et plus que la somme de la volonté de tous. Et c'est ma formule, 1 plus 1 égale 3. Pour moi, la vie sociale est devant ce dilemme, 1 plus 1 égale 3 ou 1 plus 1 égale 1. C'est la réduction au plus fort. La loi de la jungle, 1 plus 1 égale 1, ou la capacité de ce saut par-dessus ses propres épaules, de faire surgir cette propriété émergente, et à ce moment-là, c'est 1 plus 1 égale 3. Et donc là, c'est la propriété émergente de cette première fonction. En ce qui concerne la force, la contrainte, je pense que vous serez d'accord avec moi de dire qu'un droit impuissant est sympathique. Je ne le néglige pas sur le plan symbolique. Un droit symbolique, je pense par exemple au tribunal Monsanto, qui condamne sans être capable d'effets juridiques, mais tout de même, ça met en marge des combats politiques et des engagements moraux. Néanmoins, le droit doit marcher sur les deux jambes. L'une, c'est l'inspiration éthique, l'autre, c'est la capacité de contrainte. Maintenant, cette contrainte, ce n'est pas la force brute. Là encore, il y a une plus-value, il y a une propriété émergente. C'est une contrainte encadrée par le droit. Qui répond, donc c'est un exercice de la force qui répond à des habilitations, à des règles de droit, à des limites, à des contrôles auxquels se soumettent les autorités publiques elles-mêmes. C'est la définition de l'état de droit. Et quand ça fonctionne, cela produit de la confiance. Et voilà ma propriété émergente, voilà l'indice du tiers. Cela produit de la confiance qui est pour moi le carburant invisible, mais indispensable de l'institution. Ce qui fait fonctionner un groupe humain, son véritable carburant, c'est la capacité de générer la confiance. On peut appeler ça la sécurité juridique, si vous voulez. L'assurance que l'autre, qui peut être mon partenaire privé, contractuel, ou l'autorité publique à laquelle j'obéis, l'autre va de son côté respecter ses engagements. Et finalement, la troisième finalité intrinsèque d'un droit qui fonctionne bien doit être sa capacité procédurale de se remettre en cause, le mot « cause » étant lui-même un terme juridique. Carbonnier disait à cet égard que le droit, et peu d'hommes ou de femmes de la rue le diraient spontanément, mais c'est à nous juristes à le rappeler, il disait « le droit est une mise en question organisée » ou encore « une institution de la contestation ». Et nous, juristes, nous sommes au fond les spécialistes du conflit, qu'il soit contentieux judiciaire ou débat parlementaire, ou de la démocratie au sein de l'entreprise. C'est ça le droit. Je crois que le conflit est véritablement le moteur de la rationalité juridique. Le conflit n'est pas une pathologie du droit, il est véritablement son objet et son enjeu le plus quotidien. Pour autant, bien entendu, qu'il soit réglé et finalisé par l'objectif de trouver une solution. Mais notre boulot quotidien de juriste, ce n'est que ça. Nous alimentons les controverses juridiques. Si nous sommes juges, à tout moment, nous discutons la question de savoir s'il faut s'inscrire dans la ligne d'un précédent ou opérer un revirement de jurisprudence. Serais-je conseiller juridique, je vais travailler avec des avenants de contrat. Serais-je conseiller parlementaire, on va procéder à des changements législatifs. Donc, la vie interne du droit est cette espèce de bouillonnement, cette capacité de mise en question permanente. Alors, je conclue réellement, je vais lire 2-3 paragraphes de conclusion. Qu'est-ce qui change lorsque deux individus ou un groupe décident de passer au droit? C'était ma question de départ. Le droit, ai-je répondu, met ses fonctionnalités, mesurage, bornage et tissage, au service des relations sociales primaires. Un redoublement s'opère, fonctionnellement opératoire. Mais, à ce stade, rien ne garantit encore que cette formalisation traduise un souci de justice ou conforte la liberté, l'égalité, la dignité des protagonistes. Il faut pour cela que cette juridicisation s'inscrive elle-même sur un plan supérieur, ce que j'ai appelé la scène tierce, la construction progressive de l'état de droit, la construction progressive de l'intérêt général ou du bien commun, celle du procès équitable dans ma troisième finalité, en sont des manifestations parmi d'autres. Mais cette montée du 1 au 2 et puis du 2 au 3 est une opération instable dont rien ne garantit la pérennité, même si elle s'inscrit dans des institutions et se grave dans le marbre des constitutions. À tout instant, la régression menace. Lorsque le 2 de l'instance technique est directement instrumentalisé par le 1 de la relation sociale primaire et les moins scrupuleux de ses acteurs. On en a vu quelques exemples dans la partie sur les usages. Une boucle négative se met alors en place, de sorte que, loin d'apporter une plus-value, le droit, en prêtant ses formes, sa légitimité et sa contrainte à un pouvoir nu, le droit alors aggrave le déficit de justice de la situation. Cette fragilité révèle la nature normative du droit, qui est à la fois sa force et sa faiblesse. Est-il toujours utile que le droit nourrisse une méfiance critique à l'égard de lui-même, selon cet adage « sumum ius summa injuria », le comble du droit, le droit poussé à bout, c'est le comble du tort, et donc c'est ma troisième finalité, entretenir toujours cette espèce de mauvaise conscience, cette conscience critique à l'égard du droit lui-même. Et enfin, une dernière remarque essentielle. Le tiers dont il est question, ce tiers, peut-être chercherons-nous à savoir quel visage, quel contenu lui donner. Cette question est bien naturelle, elle est légitime, et pourtant je pense qu'il faut savoir résister à la tentation de remplir ce qui doit rester une place vide, une référence structurale. Le tiers dont il est ici question opère, comme une référence structurale, opère comme un opérateur dialectique qui empêche le 1 ou le 2 de se refermer sur eux-mêmes. Ainsi, lorsque l'on chercherait à prêter à ce tiers tel message définitif, ou qu'on chercherait à le mobiliser au service d'une vérité dogmatique, ou qu'on l'embrigaderait sous la bannière définitive de telle ou telle cause, je pense qu'on le ferait déchoir de sa position transcendante et indisponible qui doit rester la sienne. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le 19 janvier 2018 François Host, professeur de philosophie et de sociologie du droit à Bruxelles et à Genève. Sa conférence intitulée « À quoi sert le droit ?» a compté jusqu'à 3. Il était reçu par Alain Supiot dans le cadre de sa chaire « État social et mondialisation, analyse juridique des solidarités ». Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens et les informations liées à cette diffusion. François Host a notamment publié « À quoi sert le droit ? Usage, fonction, finalité » édité chez Bruyant en 2016. Réalisation Ghislaine David, iconographie web Claire Poinsignon, présentation Meryl Moneghetti. Lundi, nous ne quitterons pas le domaine du droit, nouvelle série avec Alain Supiot autour des figures de l'allégeance.